Chapitre 9. Amour d'Uterpin Dragon et d'Hygierne. Conception et naissance d'Artus. À l'une des fêtes que le roi donnait à Carduel, à Londres, suivant Geoffroy de Monmouth, depuis l'institution de la table ronde, il remarqua parmi les dames la belle Hygierne, femme du duc de Tintagel. Geoffroy de Monmouth nomme ce duc Gorlois. Tintagel était sur la côte de Cornouailles, au-dessous de Lotwith. On y voit aujourd'hui d'imposantes ruines. Il se contenta d'abord de la regarder avec un grand plaisir. La dame s'en aperçut, et comme elle était aussi sage que belle, elle évita tant qu'elle put de se trouver seule avec lui. Uther envoya des présents de joyaux à toutes les femmes pour avoir moyen d'en adresser à la duchesse. Geoffroy de Monmouth ne dit pas si la duchesse accueillit ou non l'amour du roi. Gorlois s'en aperçoit sans qu'elle lui en ait parlé et la jalousie le décide à quitter la cour. Robert de Boron a senti qu'il fallait jeter plus d'intérêt sur celle qui devait mettre Artus au monde. Elle ne put trouver de raison pour les refuser, tout en soupçonnant les véritables intentions du roi. Les fêtes terminées, le roi reconduisit assez loin le duc de Tintagel et ne manqua pas de lui donner des marques d'amitié les plus flatteuses. Puis, s'approchant d'Hygierne, il dit assez bas qu'elle emportait son cœur avec lui. La dame ne fit pas semblant de l'entendre. Aux réunions suivantes, Uther n'eut pas lieu d'être plus satisfait. Mais cet amour le préoccupait tellement qu'il ne put s'empêcher d'en parler à deux de ses plus privés serviteurs. Ulfin de Ricaradoc lui dit « Sire, vous entreprenez une tâche qui demande grand secret. Si vous allez à la demeure de la dame, vous risquerez d'être blâmé. Il vaut mieux tenir d'autres grandes cours et inviter vos barons à venir passer à Carduel 15 jours, eux, leurs femmes et toute leur suite. » Mais à la prochaine réunion, la belle Hygierne prit grand soin d'éviter le roi. Elle se tenait au milieu des dames. Uterpin Dragon ne gardait une lueur d'espérance qu'en s'entretenant d'elle avec Ulfin. Toujours cui doit-il mourir quand il ne la véoie, et quand il la véoie, s'il y allégeoit un poids sa dolore, et longuement ne pourvoit-il vivre, ce il n'avoit confort de sa mort. Ulfin, pour le réconforter, lui dit « Sire, vous êtes moult mauvais quand port le désir d'une femme cuidier mourir. Je, qui suis un pauvre homme, ce je-là moi autant comme vos fêtes, n'en cuis de roi pas mourir, car je n'ois honte que parler de femme, qui se puisse défendre, c'est elle et toi bien prier, et l'on l'y puisse donner joyaux et amers et honorés, tous ceux et toutes celles qui sont entourlis. » Ulfin, qui donnait de si bons avis, fut chargé du soin d'adoucir les rigueurs de la belle duchesse. Pendant que le roi redoublait d'attention auprès du duc de Tintagel, lui ne quittait pas les traces d'Hygierne à laquelle il offrait sans cesse de nouveaux présents. Tant qu'un jour avint que Hygierne tint à conseil Ulfin et lui dit « Pourquoi me voulez-vous donner ces joyaux et ces grands dons ?» Ulfin répond « Pour votre grand sang, votre beauté et votre simple contenance. Je ne vous puis rien donner, car Tuilly avoir du royaume de l'ogre sont à votre volonté. Tuilly corps des hommes à votre plaisir. » Et elle répond « Comment ?» Et Ulfin dit « Pour ce que vous avez le cœur de celui à qui, tous les autres doivent obéir. » Et Hygierne répond « De quel cœur me dites-vous » Et Ulfin lui dit « Celui du roi, et celle lièvre sa main, si se saigne et dit « Dieu, comme est-ce roi traître, quand il fait semblant de mon seigneur amé, et moi veut honir. Ulfin, garde que jamais ne t'avienne que Dieu parole me dit, que saches-tu bien que je le dis roi au duc mon seigneur, et ce, il le savoit, il t'en conviendra mourir, et je ne te scellerai que cette fois. » Ulfin répond, « Ce sera mon honneur de mourir pour mon seigneur, non que mesdames ne se défendit de telles choses que vous refusez, mais espoir vous vous gabez. Dame pour Dieu, ayez merci de mon seigneur et de vous-même, car si vous n'en avez merci, vous en verrez grand mou à venir. Ne l'y dû votre sire ne vous pourra défendre contre la volonté de notre seigneur le roi. » Et Hygierne répond en pleurant, « Ce Dieu plaît, non ferait, et je m'en défendrai bien. » Ce mauvais succès ne découragea pas le roi. Ainsi, dit-il, de voix bonne dame répondre, et jamais bonne dame ne fut si tôt vaincue. La fête à laquelle il avait convié ses hommes touchait à sa fin. Le 11e jour, sur l'habit Delphine, Uther avait fait asseoir le duc à sa droite, et remarquant une très belle coupe d'or près de lui, « Voyez-vous, dit-il au duc, voici belle coupe, mandez Hygiène, votre femme, qu'elle la prenne, et qu'elle boive pour l'amour de moi, et je la lui envoierai toute pleine de cet bon vin par un de vos chevaliers. » Le duc répondit comme s'il qui a nul mal ne pensoit. « Sire, grand merci, elle le prendra volontiers. » Et Lydu appelle un sien chevalier qui moult estoie bien de lui et lui dit « Bretel, prenez celle coupe, si la portez votre dame de par le roi, si lui dites que je l'y manque, elle porte la mort de moi et de lui y boive. » Bretel prend la coupe, s'y vint en la chambre où Hygiène mangea, s'y s'agenouille devant elle et lui dit « Dame, le roi vous envoie cette coupe, et messire vous mande que vous la preniez et que vous y buvoie pour l'amour de lui. » Quand elle l'entendit, s'y a moult grand honte et rougit, et n'osa refuser les commandements le duc, s'y prit la coupe et y but, et la revoue par celui-même renvoyer le roi. Et Bretel lui dit « Dame, messire a commandé que vous la réteigniez. » Quand elle l'ouïe, si sait que à prendre l'y convient. Et Bretel s'en revint au roi, s'il en merci de Parigierne, qui onque mon en avait sonné. Elphine, bientôt après, vint dans la chambre où elle était pour juger de sa contenance. Il la trouva pensive et irritée. « Votre seigneur, lui dit-elle, m'a envoyé cette coupe, mais je veux bien que vous sachiez qu'il n'y gagnera rien, si ce n'est grande honte. » Demain, monseigneur le duc saura la trahison que vous et lui pourchassez. Ah, dame, répond Ulfine, vous n'êtes pas si folle. Vous savez bien que jamais mari ne conserve sa fiance à la femme qui lui fait de tels aveux. Honte à qui s'en gardera, répondit-elle. Quand le roi eut mangé et lavé, il prit le duc par la main. Allons voir ces dames, lui dit-il en riant. Ils vinrent dans la chambre où Hygiène avait mangé avec les autres dames. Mais elle ne fit aucun semblant de tristesse ou de joie et dévora son chagrin jusqu'à la nuit quand l'heure vint de retourner à son hôtel. Lydus y vint, s'il la trouva pleurant et grand duel faisant en sa chambre. Lydus s'emmerveilla moult et la prit entre ses bras comme s'il qui moult la moi, et elle dit qu'elle vouroit être morte. Lydus lui demande pourquoi. Genelle vous sait le rémille, car il n'est rien que je tant aimé comme vous. Le roi dit qu'il m'aime, et toutes ces corses qu'il fait, et toutes ces autres dames qu'il mande et fait venir, il dit que ne le fait c'est pour moi non, et pour avoir à choison que vous m'y ameniez. Et dès l'autre fête le sais-je bien, et je m'étois de lui et de ses dons moult bien défendus, on que n'en avoir rien pris. Mais Or m'avait fait prendre la coupe, et me mandate par Bretel que je y busse pour la mort de lui. Et pour ce voudrois-je être morte. Et je vous prie et vous requiez, comme mon seigneur, que vous m'emmeniez à Tintagel, que je ne veuille plus être en cette ville. » Le duc indigné rassembla aussitôt ses amis, leur ordonna de seller leurs chevaux et s'éloigna sans prendre congé. Le roi ressentit un grand chagrin de son départ. Il se plaignit de l'insulte prétendue que lui faisait le duc et bientôt il alla l'assiéger dans une des deux forteresses de Cornouailles où il pensait que la duchesse devait être avec lui. Le siège traîna fort en longueur, et le roi, qui avait appris qu'Hygiène avait quitté ce château pour s'enfermer dans Tintagel, avait grand-peine à vivre si longtemps loin des lieux où se tenait l'objet de son amour. Tant que, un jour à vin qu'il étoit en son pavillon où il pleuroit, et quand ses gens le virent pleurer, s'y s'enfuirent et le laissèrent tout seul. Elphine vint. S'il y demanda pourquoi il pleuroit, le roi répondit « Vous devez bien savoir pourquoi, que je muire pour la mort d'Hygiène, et vois bien que à mourir me conviendra, car j'ai perdu le boire et le manger et le dormir, et pour ceci ai pitié de moi-même. » Quand Ulfin ôte le roi bien entendu, s'y dit « Vous êtes moult de faible cœur et de lâche, quand vous cuidiez mourir pour la mort d'une femme. » Mais faites qu'erre Merlin, il ne pourroit pas être qu'il ne vous sût aucun conseil donné. Si vos lits donniez tout à devise, quand que ses cœurs vous roient. La difficulté était de trouver Merlin, car il avait recommandé au roi de ne pas essayer de le faire venir, lui-même sachant quand il lui conviendrait d'arriver. Un jour, au milieu du camp, Ulfin fait rencontre d'un inconnu qui demande à lui parler à l'écart. « Je suis, lui dit-il, un vieil homme. On me tenoit assez pour sage dans ma jeunesse. J'arrive de Tintagel, où j'ai appris d'un prud'homme que votre roi est moi la femme du duc. Si vous me promettiez une bonne récompense, je vous conduirai à celui qui saura bien conseiller le roi de ses amours. » Ulfin va conter cette rencontre au roi qui, le lendemain, accompagne Ulfin au rendez-vous du vieil homme. Comme ils sortaient du camp, ils aperçoivent un boiteux, en apparence aveugle, lequel s'écrie à leur passage « Roi, Dieu te donne ce que tu désires le plus, et accorde-moi la chose que tu as le plus en gré. » Le roi, s'adressant à Ulfin, « Serais-tu disposé à faire beaucoup pour moi ?»« Tout, jusqu'au mourir. »« Eh bien, approche de ce contrait. Dis-lui que je lui donne l'homme que j'aime le mieux au monde. » Ulfin ne parole honque. Ins se va donner au contrait. Et quand l'icontrait le vit, s'il y demande « Que venez-vous faire ?» Et Ulfin dit « L'Iroi m'envoie à vous que je sois votre. » Quand il l'entend, s'y s'en rit et dit à Ulfin « L'Iroi s'est aperçu et me connoît mieux que tu ne fais. Livier, homme, que tu veillisses hier, ma voix envoyée à toi. Va au roi, s'il y dit que je vois bien qu'il fera grand méchief pour avoir sa volonté, et que tôt s'est aperçu, et que mieux l'y en sera. » Et Ulfin dit, « Je ne vous oserais demander de votre être. Demandez-le au roi, dit le contrait, il te le dira. » Le roi avait en effet deviné que c'était Merlin qui se gaboie d'eux. Le prophète parut bientôt sous sa forme ordinaire dans la tente du roi. Merlin, sachant tout ce que désirait le roi, ne voulut rien promettre avant d'avoir fait jurer au roi et à Ulfin sur les hauts sanctuaires les meilleurs qu'il avoit et sur un livre qu'il lui accorderait ce qu'il leur demanderait. Le lendemain du jour, il aurait vu Hygierne et obtenu l'accomplissement de tous ses désirs. « Lors, dit Merlin, il vous conviendra aller en fière manière, que elle est moult sage femme et moult loyale envers son seigneur. Mais je vous baillerai la semblance du duc, si bien que je n'y aura nul que de lui vous connoisse. Et Lidus a deux chevaliers qui sont bien prisiers de lui, si à nom l'un Bretel et l'autre Jordan. Je baillerai à Ulfin la semblance Jordan et prendrai la semblance Bretel. Je ferai ouvrir les portes et vous ferai gésir les uns. Mais il vous conviendra moult matin ici hors, et quand nous irons, nous aurons bien étranges nouvelles. » Et l'Iroi se hâte le plus qu'il peut, et quand il l'a fait, s'y vient à Merlin et dit « J'ai fait mon affaire, hors pensée du vôtre. » Et Merlin dit « Or n'y a que doux mot voir, si chevauchière tant qu'il vindre à Tintagel, et dit Merlin au roi. Or, remanez ici, et nous irons ça, moi et Ulfin. » Et quand il les eut désassemblés, s'y vint au roi et lui porta une herbe, et lui dit « Frottez de cette herbe votre vis et vos mains. » Et l'Iroi la prit et s'en frotta, si otto et apertement la semblance du duc. Et dit Merlin, « Or, vous souviennent si vos oncles veillissent Jordan ?» Et l'Iroi dit, « Je le connois moult bien. » Et Merlin revint arrière à Ulfin, s'y le transfigura en la semblance de Jordan devant le roi. Et quand Ulfin vit le roi, s'y se signa. Et l'Iroi lui demande, « Ulfin, que t'es avis de moi ?» Ulfin dit, « Je ne vous connois pour nul homme, ce port le duc non. » Et quand ils aurent ainsi un poids été, s'y regardèrent Merlin, et leur fut bien avis que ce fut Bretel, vraiment. Et quand il fut annuitier, s'y vinrent à la porte de Tintagel, et Merlin appela. Et les portiers et les gens qui gardoient la porte vinrent, et leur dit « Ouvrez, vessi le duc !» Et ils ouvrirent, car ils cuidièrent apertement que ce fut Bretel et le duc et Jordan. Assez furent qu'ils allèrent dire à la duchesse, et ils chevauchèrent jusqu'au palais. Ainsi vindrent l'Aïens tous trois jusqu'en la chambre où Hygierne gisoit, qui là et toi couchiez. Au plus tôt qu'ils portent, si fort leur seigneur des chaussiers et couchiers, et s'en revindre à Luis et y furent jusqu'au matin. Ainsi et par icelle manière vint Uterpin Dragon à Hygierne, et celle nuit engendra le bon roi qui puisote à Noartus. Au matin, à longue journée, vindre les nouvelles en la ville que l'iduc et toi mort et ses châtiaux pris. Et quand s'il qui à lui gisoit l'oïr, si saillir sus et vindre là où leur sire gisoit. Levez, si vous en allez à votre castel, que vos gens cuident que vous soyez mort. Et il s'aussus et dit, ce n'est pas merveille ce il le cuide, que je ici de mon château, que onque nus n'en saut. Il prit congé à Hygierne et la baisa, voyant celles qui furent à son départir. Ainsi chevauchèrent à une rivière, et la Merlin les fit laver, si rore leur verrait semblance. Il s'agissait maintenant de voir comment le roi donnerait satisfaction aux hommes de Tintagel, car la mort du duc était un châtiment plus grave que son départ de la cour ne le méritait. Ce point, très longuement traité dans le roman, fait connaître les usages et les procédés de la féodalité au commencement du XIIe siècle. Elphine commence par assembler les barons du roi pour leur demander comment Uther doit amender cette honte à la dame et à ses amis. Les barons, qui ne savent pas ce qui avait pu justifier la retraite du duc de Tintagel, ne devinent pas non plus quel genre de satisfaction pourrait exiger la duchesse Hygierne. « Vous êtes l'ami du roi, disent-ils à Elphine. Éclairez-nous, dites-nous ce que nous devons conseiller. »« Je dirais au roi, répond Ulfine, ce que je vous dirais à vous-même. Il faut ôter tout sujet de plainte et de querelle entre les barons, la dame et le roi. Je voudrais que le roi mandât devant Tintagel tous les amis du duc et que là, il offrit à la dame une satisfaction que nul ne put raisonnablement refuser. » Les barons approuvèrent le conseil. Ils vont le redire au roi qui, pour suivre leur avis, envoie proposer aux hommes de la duchesse un parlement devant Tintagel pour y traiter d'un accommodement. La dame, invitée à se rendre au camp du roi, prend l'avis de ses barons et accepte le sauf-conduit d'Uterpin Dragon. Quand elle fut venue en Lost, l'Iroi fit tous ses barons assembler et fit demander à la dame et à son conseil qu'il voudroit requérir d'endroit celle paix. L'Iconso à la dame répondit « Sire, la dame n'est pas si venue pour demander, mais pour ouïr que l'on l'y offera de la mort de son seigneur. » Il y eut de nouveaux conseils. Les barons du roi, voulant avant de se prononcer connaître ce qu'il entendait offrir, et le roi répétant qu'il s'en rapportait à tout ce qu'il conseillerait. Enfin, ils chargèrent Ulfin d'être leur interprète, et celui-ci, qui se gardait bien de paraître rien savoir des intentions du roi, dit à Uterpin Dragon « Sire, je voile bien que vous sachiez que nus roi, nus prince terrien, ne put être trop amé de ces hommes, et ceux, ils sont prodhommes, bien se doit envers elles humilier pour avoir leur cœur. La duchesse et ses hommes promettent d'accepter le jugement des barons. Quand ils orent par Tocerchier, et chacun te dit son avis, s'y redemandèrent Ulfin qu'il en loa, et Ulfin répond « J'en dirai mon avis, et ce que je en dirai ici, j'en dirai partout. Vous savez que Lydus est mort par le roi et par sa force. Quelque tort qu'il eût envers le roi, il n'avoit pas forfait chose dont il dut mourir. Et vous savez que sa femme est remée chargée d'enfants, et que l'Iroi lie à sa terre gâtée et détruite, et savez que ce est la miendre dame de cette règne, et la plus belle et la plus sage, et savez que l'y parent le duc ont moult perdu en sa mort. Si est bien droit que l'Iroi leur rende partie de leur perte. D'autre part, vous savez que l'Iroi est sans femme. Si dis-je en droit moi qu'il ne peut amender à la dame son dommage, ce il ne la prend. Et quand il aura ce fait, que il, tout erramant, marie l'aisnée fille le duc au roi Lot d'Orcanille, qui s'y est, et à autres amis, fasse tant que chacun le teigne, pour prodhomme et pour loyal. Or, avez ouï le mien conseil, si faites autre, si vous volez. Et s'ils répondent tout ensemble, vous avez dit le plus hardi conseil que n'eus aux aloés, et ce li roi s'y accord, nous nous y accordons moult volontiers. » Ils se rendent alors vers le roi. « Et vous, sire, dit Ulfin, que en dites? Ne louez-vous la corde de vos barons? L'Irois répond « Oil, molt lelo et voile, se la dame et si amis s'en tiennent à pailler, et se l'Irois Lot pour moi voye prendre la fille le duc. » Leur répond l'Irois Lot « Sire, vous ne me pourroi de choses requères pour votre honneur et pour votre paix que je ne fasse moult volontiers. » Laure parle à Elphine, oyant tous à celui qui les paroles à la dame menoie et lui demande « Louez-vous cette paix ?» Et s'il regarde la dame et son conseil qui furent si morne et si piteux que lié au doux cœur l'aurait toi monté à Zoil, si qu'il pleuroi de pitié et de joie. Et il demanda à la dame qui parole il disoit et apparent le duc. Louez-vous cette paix ? La dame se tait et lui part en parole et dit tout ensemble. Il n'est homme qui Dieu croit qui ne la doit louer et nous la louons bien. Ainsi fut créanté d'une part et d'autre. Il est impossible de ne pas reconnaître ici l'art avec lequel l'auteur nous conduit au mariage d'Hygierne. La vertu, l'honneur de la duchesse sont constamment respectés. Victime des sortilèges de Merlin, la jeune veuve est un modèle accompli de vertu conjugale. Elle se révolte à la pensée d'avoir vidé la coupe d'or que le roi lui avait présentée. Elle crie vengeance contre une simple tentative de séduction non suivie d'effet. Et son cœur reste fidèle à tous ses devoirs d'épouse. La retraite du duc de Tintagel, l'ajournement qui lui est donné, l'aide et les conseils qu'il réclame, lui et le roi, de leurs vassaux respectifs, enfin la satisfaction offerte par le roi, tout cela représente exactement le jeu de l'ancienne législation. On pèse la position de la partie lésée. La duchesse a deux filles, elle a perdu les moyens de les bien établir. Le duc avait des parents auxquels la mort du duc portait dommage. Ils ont droit à une compensation. C'est en suivant toutes les formes de la procédure féodale que le roi voit ses vœux les plus chers accomplis. Assurément, cette histoire de la conception d'Artus est peu édifiante. C'est une légende renouvelée du Livre des Rois et de la comédie gréco-latine d'Amphitryon. Toutefois, le sentiment moral est ici, je ne dirais pas mieux respecté, mais moins blessé. Dans le Livre des Rois, David, ayant vu la femme d'Uri, un de ses plus braves guerriers, qui se baignait devant les fenêtres de son palais, la trouve belle, la fait venir et dort avec elle. Il écrit ensuite à Joab, chef de son armée, « Mettez Uri à la tête de vos gens où le combat sera le plus rude, et faites en sorte qu'il soit abandonné et qu'il y périsse. » Joab fait ce qui lui est demandé. Uri est tué et David épouse Bethsabée. Dans la fable païenne, le grand Jupiter abuse lâchement de sa toute-puissance pour prendre la figure d'Amphitryon et pour séduire, avec l'aide de Mercure, la femme du roi de Thèbes. Amphitryon, à son retour, reconnaît le fils qui lui est né, et ce récit dans lequel les dieux jouent un si triste rôle fait partie de l'histoire consacrée de la naissance d'Hercule et du culte que l'on rendait à Jupiter, à Mercure, à Hercule. Les Romains, peut-être au sortir du Capitole, où ils venaient adresser aux très bons et très grands des actions de grâce ou des supplications, allaient applaudir les histrions qui bafouaient Jupiter avec son fils sur le proscenium. Contradiction d'autant plus étrange que les jeux scéniques ne se donnaient qu'aux fêtes solennelles et que toutes ces fêtes étaient religieuses. Cette remarque de l'un des traducteurs de Plaute est bonne, sauf le mot bafoué, qui semble assez mal s'appliquer à Jupiter. C'est Amphitryon et Sosie, deux simples hommes, que l'on se plaisait à voir bafoués par le maître des dieux. La poésie bretonne, en adoptant la légende païenne, en a bien adouci le scandale. Uther s'éprend de la beauté d'Hygierne, mais celle-ci reste fidèle à ses devoirs. Il lui envoie des présents, mais elle les refuse, et son indignation éclate à l'idée de l'engagement involontaire qu'elle a pris en vidant la coupe d'or du roi. Elle déclare à son mari le danger qui menace leur honneur commun. Elle le décide à quitter la cour. Et si le duc de Tintagel meurt en défendant son château, comme Uri sous les murs de Rabat, au moins le coupable roi témoigne-t-il un certain chagrin de sa mort et n'épouse-t-il la duchesse qu'après avoir accordé pleine et entière satisfaction aux hommes et aux parents du duc de Tintagel. Quelle différence à l'avantage de notre romancier dans ce simple, chaste et fier caractère d'Hygierne. Et combien, en dépit de son crime, Uther est supérieur au dieu Jupiter et au roi David? N'est-ce pas déjà une preuve que les mœurs étaient au XIIe siècle moins rudes et plus épurées que dans l'Antiquité juive, grecque et romaine ?